Le roi des zones de Constin Guéroux. Chapitre 1er. C'était par une soirée d'automne, le soleil venait de disparaître à l'horizon, et une lumière limpide, calme, harmonieuse, rayonnait sur la nature, dont les teintes adoucies prenaient un charme mélancolique sous cette pure et tranquille clarté. À cette heure, un tableau à la fois plein de fraîcheur et d'étrangeté se déroulait au sein d'un des sites les plus pittoresques de la Hongrie. Une centaine de jeunes gens des deux sexes, vêtus de leurs habits les plus éclatants, gravissaient en chantant une montagne couronnée à son sommet par un petit village, et le long de laquelle étaient jetés çà et là, comme des nids d'hirondelles, quelques rustiques maisons aux toits de tuiles rouges et aux balcons de bois blanc. Les jeunes gens allaient par bandes, et tous ces groupes, aux couleurs variées, se détachant avec vigueur sur les flancs grisâtres de la montagne, produisaient un panorama d'une splendeur, d'une bizarrerie et d'un charme inexprimable. La sève de la jeunesse éclatait en eux, et ils paraissaient tous beaux sous les gracieux vêtements qui faisaient si bien valoir l'harmonie et l'élasticité de leur forme. Le teint ardent, l'œil étincelant, le geste désordonné, ils chantaient avec un abandon qui tenait du délire, et pourtant leur exaltation avait je ne sais quoi de fervent, d'intime et de recueilli, qui annonçait que c'était du cœur que parlaient ces hymnes enflammés. Ce qu'ils chantaient, c'était les joies profondes de l'amour chaste. Ce qu'ils célébraient, c'était l'union des deux jeunes gens qui marchaient en tête du cortège et qu'ils accompagnaient jusqu'à leur demeure après avoir assisté aux fêtes de leur mariage. Arrivés à une espèce de chalet bâti vers le milieu de la montagne, sur une plateforme naturelle, tous s'arrêtèrent, entonnèrent encore un chœur, puis quittèrent les nouveaux mariés et se séparèrent en deux bandes, dont l'une continua de gravir la montagne, tandis que l'autre la descendait, les uns demeurant au village qui se déroulait à sa base, et les autres habitant celui qu'on voyait étinceler à son sommet. Les jeunes époux demeurèrent longtemps là, et ne se décidèrent à entrer chez eux qu'après avoir perdu de vue tous leurs parents et amis. Au moment où ils allaient franchir le seuil de leur maison, un homme sortit tout à coup d'une espèce de baraque, grossièrement bâtie à l'autre extrémité de la plateforme, et comme incrustée dans le roc avec lequel on eût pu la confondre. Cet homme était un soldat, et cette baraque un corps de garde, car nous avons oublié de dire que cette histoire se passait à l'époque où les Hongrois étaient en guerre avec la Russie. « Salut aux nouveaux époux !» dit le soldat en s'avançant vers les deux jeunes gens d'un air assez gauche. Puis, caressant avec complaisance la barbe inculte et les énormes moustaches qui envahissaient les trois quarts d'un visage où florissaient la santé et l'insouciance, « Heureux Silvius, et vous, belle Albina ?» leur dit-il, avec un sourire qui mettait à nu un râtelier dont un crocodile eût été jaloux. « Permettez-moi de vous souhaiter bonheur et prospérité. »« Merci, Miolac, » répondit le jeune homme au soldat, dont il semblait avoir hâte de se débarrasser. « Merci. » Et tenant toujours la porte ouverte, il avança un pied dans la maison. « Hélas, mon pauvre Miolac, » dit la jeune femme, qui semblait moins pressée que son mari d'entrer chez elle. « J'aurais voulu vous offrir quelque chose, mais... « Vous le savez, la noce s'est faite chez ma mère au bas de la montagne, de sorte que nous n'avons rien chez nous et jusqu'à demain. »« Je sais cela, belle Albina, et je vous connais trop pour douter de votre cœur, » répondit Miolac, avec cette niaise gaucherie dans laquelle se reflétait à la fois la bonté de sa nature et l'épaisseur de son intelligence. « Mais je n'ai besoin de rien, et ce ne sont pas les liquides qui nous manquent, écoutez plutôt. » En effet, on entendait retentir dans l'intérieur du corps de garde un cliquetis de verre et un bruit de chants avinés qui indiquaient clairement l'état où se trouvaient à cette heure les compagnons de Miolac. « Alors, bonsoir, bonsoir, Miolac, » dit Silvius, en mettant l'autre pied dans la maison. « À demain, Miolac, » dit la jeune femme en suivant lentement son mari. Au moment où elle allait disparaître, le soldat fit un violent effort sur lui-même et surmontant une timidité qui empourpra subitement sa grosse face, et redoubla encore sa gaucherie naturelle. « Ah, dites-moi donc » s'écria-t-il. « Quoi ?» demanda la jeune femme en se retournant vers lui. « Pardon, si j'ose me permettre, et si je prends la liberté, mais votre sœur, mademoiselle Minella... » Il se tut, car l'émotion lui coupait la parole. « Eh bien ?» lui demanda Albina avec un sourire moqueur. « Eh bien, » reprit Miolac, « est-ce qu'elle serait malade ? Pourquoi cela ? Pardon ?» « C'est une indiscrétion de ma part, mais je ne la vois pas parmi ceux qui sont venus vous accompagner jusqu'ici. »« c'est que vous avez la vue basse, Miolac, car elle y était. Allons, adieu, à demain. » Elle disparut cette fois et ferma la porte derrière elle. Miolac resta immobile, un pied en l'air, la main tendue vers la porte et le sourire aux lèvres, cherchant encore une phrase qui n'était pas encore venue à temps. Il fut brusquement rappelé à lui-même par un bruyant éclat de rire qui se fit entendre à ses oreilles. « Hein ?» s'écria Miolac en se retournant. Il vit en face de lui un soldat qui lui présentait un papier. « Pourquoi ris-tu » lui demanda-t-il avec colère. « Sergent, ce n'est pas ma faute, et je vous jure que si vous aviez pu vous voir... »« C'est bon !» s'écria Miolac. « Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ce papier ?»« Une lettre du colonel, sergent. » « Ah, c'est vrai, je me rappelle. Où l'as-tu trouvé, le colonel ?»« Toujours au même endroit, sergent, au village de B, à 2 lieues d'ici. »« C'est encore vrai. Je ne sais pas où j'ai la tête aujourd'hui. »« Dis donc, ne trouves-tu pas qu'il a l'air bien sévère, notre colonel ?»« Il est certain qu'il n'a pas l'air gai, quoiqu'il soit bien jeune. Je ne l'ai vu que 2 fois encore depuis 8 jours qu'il est notre colonel, et j'avoue que je ne suis pas à mon aise devant lui. »« Ce papier contient ses instructions, n'est-ce pas ?» « Oui, sergent. Et il paraît que ce n'est pas le moment de s'endormir, car on s'attend tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, à une attaque de la part des Russes. »« Bon, bon, on veillera. Et ils seront malins s'ils nous surprennent. Mais tu as marché bien vite, mon pauvre Otto, car je ne t'attendais pas avant 2 ou 3 heures d'ici. »« Ah, c'est que, voyez-vous, sergent, » répondit Otto en baissant la voix, « je ne me souciais pas de traverser la prairie après la nuit close. »« Bah, et pourquoi ?»« Pourquoi, sergent ?» Et Otto, montrant du doigt l'immense prairie qui se déroulait à leurs pieds, traversée en tous sens par de longues lignes de sol, dont le feuillage s'effarait au vent et blanchissait sous les rayons de la lune. « Vous ne savez donc pas, » dit-il en baissant encore la voix, « que le roi des zones affectionne cette prairie à l'heure où la nuit et le brouillard commencent à l'envelopper, et que bien des gens ont déjà vu sa tête blanche et ses yeux noirs glisser à travers les saules comme une nuée qui passe ?» Miolac ne répondit pas, jeta autour de lui un regard inquiet, puis, frissonnant tout à coup, « Rentrons, » dit-il à Otto, « le brouillard du soir est malsain. » Revenons maintenant au nouveau marié. « Enfin !» s'écria Sylvius quand il eut fermé la porte derrière lui. « Nous voilà donc mariés, chère Albina. »« Oui, Sylvius, nous voilà mariés, » répéta machinalement la jeune femme. « Nous sommes unis l'un à l'autre pour toujours. » reprit Sylvius avec le même élan de bonheur. « Pour toujours, » dit Albina en regardant fixement devant elle. « Et nous ne nous quitterons plus jamais. »« Jamais, » soupira Albina. Sylvius aperçut enfin du contraste qui régnait entre ses exclamations et les réponses de sa jeune femme. Il se rapprocha d'elle et s'emparant de sa main. « Qu'as-tu donc, ma chère Albina? Tu parais toute triste. Et l'on dirait que tu regrettes déjà... » « Ah, Sylvius !» s'écria la jeune femme en posant sa petite main ouverte sur la bouche de son mari. « Eh bien non, je ne le crois pas, » reprit celui-ci en effleurant des lèvres le front d'Albina. « Mais quelle peut être la cause de ta tristesse ?»« Eh bien, Sylvius !» répondit la jeune femme après un moment d'hésitation. « Puisque tu veux le savoir, j'ai un remords. »« Un remords, toi, Albina ?» s'écria Sylvius. Et il regarda la jeune femme d'un air presque effrayé, car elle paraissait en proie à une vive émotion. « Un remords ? » répéta-t-il. « Et quel remords peux-tu avoir ? Quel mal as-tu pu faire, toi, ma chère et douce Albina ? Tu ne devines pas, Sylvius ? Non, certes. Tu as donc oublié Steinko, auquel j'étais fiancé, qui avait reçu de moi un serment solennel ? Steinko est dans son tort, répliqua Sylvius. « Comment ? » dit Albina stupéfaite. « Sans doute. Vous alliez vous marier quand tout à coup il se met en tête que la Hongrie a besoin de son sang. Ce qui prouve de sa part beaucoup d'amour-propre, et rien de plus. Et le voilà qui se fait soldat. » « C'était très bien. Pour un Hongrois, mais très imprudent pour un amoureux, surtout dans un pays qui passe pour être fertile en joli garçon. » Et Sylvius jeta un regard de côté sur une petite glace accrochée au mur. Il reprit. « À peine est-il parti ?» Tu fais une découverte, ou plutôt tu en fais 2. La première, c'est que tu t'es trompé sur la nature du sentiment que tu croyais éprouver pour Steinko. La seconde, c'est que tu me préfères à lui, et que tu es touché du désespoir où me jette votre prochain mariage. Il est vrai, dit Albina. Cependant, tu serais morte, et je crois que tu m'aurais laissé mourir, plutôt que de manquer à ta parole quand, 3 ans après son départ, Steinko cesse tout à coup de donner de ses nouvelles. Et nous apprenons bientôt que dans une rencontre avec les Russes, il est resté sur le champ de bataille. Pauvre Steinko, soupira la jeune femme. Steinko mort, tu te trouvais naturellement dégagé de ton serment. Pourquoi aurais-tu attendu davantage? Pourquoi? Parce que j'avais juré d'attendre 5 ans. Il n'y a que 4 ans de cela et me voilà marié. Tu le vois, Sylvius, j'ai manqué un serment solennel et c'est là la cause de mes remords. Et mon Dieu! J'aurais attendu tout le temps qu'il t'aurait plu, ma chère Albina, mais c'était impossible. Tu le sais, en ma qualité de célibataire, je devais être soldat. C'était demain qu'il fallait m'enrôler pour aller payer ma dette à la patrie, comme ils disent, et moi qui n'ai pas, comme Steinko, la présomption de croire que la Hongrie a besoin de mon sang. Bref, nous nous aimions, et il était grandement temps de nous épouser, si nous ne voulions être séparés pour toujours, car qui sait si une balle ou un boulet... Cher Sylvius, tu vois donc bien, ma chère petite Albina, que nous avons attendu aussi longtemps que nous l'avons pu, que tu n'as rien à te reprocher, et que nous pouvons jouir en paix de notre bonheur. Tu as beau faire, répondit Albina en secouant tristement la tête. Quand je me rappelle le caractère de Steinko, la violence de son amour, sa jalousie furieuse, ses serments de vengeance au moment de notre séparation, je ne puis m'empêcher de frémir. Et les plus sombres pressentiments, que peux-tu craindre puisque ce pauvre Steinko n'est plus? Aussi n'est-ce pas Steinko que je redoute, dit Albina en baissant la voix et en jetant autour d'elle des regards inquiets. Ce n'est pas Steinko, qui donc? Demanda Sylvius, se sentant ému sans savoir pourquoi. C'est un autre, reprit Albina presque à voix basse. Un autre, mais qui donc? Murmura Sylvius en se rapprochant d'elle. Un être mystérieux. Mystérieux? Dit Sylvius, en saisissant d'une main tremblante la main d'Albina. Redoutable, ajouta celle-ci sur le même ton. Redoutable, répéta Sylvius d'une voix presque inintelligible. Il y eut un moment de silence, puis Sylvius reprit. Enfin, de qui veux-tu parler? Son nom? Le roi des zones, répondit Albina. Sylvius essaya de rire. Par exemple, je voudrais bien savoir à quel propos le roi des zones. Tu ne sais donc pas quel est son pouvoir? Et quels sont ceux qu'il poursuit de sa colère? Non. Tu n'as donc jamais entendu la ballade du roi des zones? Jamais. Écoute, et tu comprendras alors si j'ai raison de trembler. Et Albina chanta presque à voix basse, sur un rythme lent et lugubre, la ballade du roi des zones, dont voici à peu près la traduction. J'ai vu l'enfant se rouler aux pieds de sa jeune mère qui lui souriait d'un air ravi. Son visage était si frais, sa tête si blonde, ses yeux si bleus, qu'on eût dit de bleuets et un bouquet de roses au milieu d'une gerbe de blé. L'enfant cessa de jouer tout à coup et se mit à écouter, et ses grands yeux bleus regardaient fixement dans les saules, dont les branches effleuraient les eaux limpides du ruisseau. Il semblait écouter un chant délicieux, et la jeune mère souriait de son erreur, et pourtant une voix chantait dans les saules, une voix d'une douceur infinie. C'était celle du roi des zones, qui ne se fait entendre qu'à l'oreille des enfants. Elle parlait d'un pays enchanté, tout ruisselant de lumière et d'azur, où les enfants se roulaient sur les fleurs, dormaient sur des plages dorées, et jouaient avec des oiseaux et des papillons qui venaient à eux au lieu de les fuir. La mère s'éloigna un instant, et quand elle revint, l'enfant n'était plus là, et jamais elle ne le revit depuis, le roi des zones l'avait emporté. Tenez, le voilà qui passe comme un brouillard à travers les saules, dont les feuilles blanches et effilées se confondent avec sa chevelure. Où va-t-il? Il s'arrête au seuil d'une chaumière et y pénètre sous les habits d'un mendiant, les cheveux épars, le bâton à la main, la besace à l'épaule. Que vient-il faire dans cette demeure? Il vient y accomplir une vengeance, et le cortège de toutes les calamités humaines y entre après lui. Cette demeure est celle d'une jeune fille qui a trahi son serment, dont le parjure a causé la mort de son fiancé, et le roi des zones ne la quitte qu'après y avoir semé le deuil, la misère, le désespoir et la honte. Un long silence suivit le chant de la ballade. Albina, s'écria enfin Sylvius, je n'aime pas ces histoires-là, quoique je sache très bien que le roi des zones n'est qu'une invention pour faire peur aux petits enfants. Détrompe-toi, Sylvius. Steinko et moi, quand nous étions enfants, nous l'avons vu bien souvent en nous promenant le soir dans la prairie. Le roi des zones? Tu as vu le roi des zones? s'écria Silvius d'une voix émue. Non seulement dans la prairie, mais aussi le long des hameaux où il rôdait le soir, toujours couvert des haillons du mendiant. Eh bien, diras-tu encore que mes craintes sont insensées ? Eh bien, oui. Je déclare hautement que nous n'avons rien à démêler avec le roi des zones. J'ajoute même qu'il approuve notre union, et la preuve, c'est qu'il n'a rien fait pour l'empêcher. Or, n'était-ce pas là le plus grand malheur qui pût nous arriver ? Tu as raison, Silvius, répliqua la jeune femme, frappée de la force de cet argument. Et décidément, mes pressentiments n'avaient pas le sens commun. Oublions donc tout cela comme un mauvais rêve, dit Silvius. Il se fait tard, reprit-il, après un moment de silence, en passant doucement son bras autour de la taille d'Albina. Mais non, la nuit vient vite en ce temps-ci, répondit la jeune femme, en se dégageant des bras de son mari pour aller allumer une lampe. « N'importe, Albina, tu t'es levée de bonne heure aujourd'hui. Tu as beaucoup dansé et... Enfin, » ajouta Silvius, en lui montrant une porte entrouverte, « voici ta chambre. Voyons. » Elle entra dans sa chambre, sa lampe à la main, y jeta un coup d'œil, puis revenant toute songeuse. « Ne trouves-tu pas que c'est très grand pour nous deux ici, et qu'une troisième personne, Minella, par exemple, ta sœur, tu regrettes qu'elle ne soit pas là avec nous ?» « Sans doute, et toi ?»« Moi de même. Je suis au désespoir de n'y avoir pas songé. »« Écoute, » dit tout à coup Albina. « Quoi donc ?» Immobile et l'oreille tendue, la jeune femme semblait écouter un bruit lointain. Ses traits rayonnaient de bonheur. Tout à coup, elle se releva, et sautant au cou de Silvius, qu'elle embrassa 5 ou 6 fois de suite, « Oh, le sournois » s'écria-t-elle. « C'était une surprise !»« Comment quoi ? Quelle surprise ?» demanda Silvius, stupéfait. « Pourquoi feindre encore puisque nous entendons sa voix ?»« Quelle voix ? Écoute plutôt. » Silvius prêta l'oreille et entendit en effet une voix fraîche, pleine et sonore retentir dans la montagne. « Minella ! » s'écria-t-il d'un air tout désappointé. Albina courut ouvrir la porte. « Qui peut donc amener ce lutin chez nous à pareille heure ?» s'écria Silvius. La jeune fille venait de s'élancer dans les bras de sa sœur. « Mais comment se fait-il que nous ayons la chance de vous voir ce soir, chère Minella ?» demanda Silvius à la jeune fille. Minella ôta son large chapeau de paille, puis son manteau, ce qui fit frémir Silvius. Puis, rejetant en arrière de magnifiques cheveux blonds qui retombaient un peu en désordre autour de la plus charmante tête de 16 ans que l'on pût rêver, « C'est tout simple, » dit-elle à Silvius en le regardant entre les deux yeux, avec cette naïve effronterie de la jeune fille, qui n'a pas encore dépouillé l'âme de l'enfant. « Je me suis laissé entraîner jusqu'en haut de la montagne par nos amis. Je viens de les quitter, et au lieu de descendre jusque chez ma mère, j'ai eu la pensée de m'arrêter ici et de passer la nuit avec ma chère Albina. »« La nuit ? La nuit entière ?» s'écria vivement Silvius. « Mais sans doute entière. Quelle étrange question. En effet, où donc as-tu la tête, Silvius ?» Et les deux sœurs, se prenant les mains, se mirent à causer de 1000 riens auxquels elles semblaient attacher une grande importance. « Mais comme te voilà rouge et animée, » dit Albina, en circulant de 3 pas pour mieux contempler sa sœur. « Ah, c'est que je viens de faire une exécution, » répondit la jeune fille en partant d'un éclat de rire. « Capital ?» demanda Albina. « Oui, capital, » répondit Minella en riant toujours. « Conte-moi donc cela, que je partage ta gaieté. » au lieu de rire toute seule, comme une égoïste. Imagine-toi qu'en arrivant à 10 pas de ta porte, je vois une douzaine de soldats rangés en cercle autour de leur sergent Miolac, qui leur chantait je ne sais quelle lamentable romance, en s'accompagnant d'une guitare. À ma vue, tous se lèvent et avancent vers moi leur affreux museau barbu, déclarant qu'ils ne me laisseront pas passer sans un baiser, et supposant que, seul contre 12 hommes, je n'aurais même pas la pensée de résister. Je feins de me résigner, en effet, et les prie de vouloir tous se ranger sur une ligne les joues en avant, afin que j'y déposasse rapidement un baiser. Je te laisse à penser qu'ils s'empressent d'obéir. Alors, quand toutes les joues sont bien alignées, celle de Miolac en tête, je fais pleuvoir, sur chacune non des baisers, mais une averse de soufflets si vivement et si largement appliquée, qu'on eût juré une fusillade. Puis je m'élance vers la porte en riant aux éclats et les laissant immobiles, ahuris, pétrifiés, en face l'un de l'autre. Et la jeune fille se mit de nouveau à rire au souvenir de ce singulier tableau. Albina partagea de tout son cœur son hilarité, puis, se tournant tout à coup vers Silvius, « Mais qu'as-tu donc? Pourquoi ne viens-tu pas rire et causer avec nous ?»« C'est que je songeais... »« À quoi ?» demanda vivement Minella. « À vous ?» Minella. « Bien vrai, oui ?» Je me disais, « Quelle bonne idée a eu cette chère petite Minella de venir nous demander l'hospitalité pour cette nuit. Et quelle chance que nous ayons ici une chambre toute prête pour elle, mais là, toute prête. « Vous pouvez bien la garder pour vous, votre chambre, » s'écria Minella. « Croyez-vous que je consente à passer la nuit loin de ma sœur ?»« Cependant, je ne le souffrirai pas, » dit Albina. « Mais où donc a-t-il la tête ce soir ?» demanda Minella avec un naïf étonnement. « Je crois que c'est le plaisir de te voir, » répondit Albina. « N'est-ce pas, Silvius ?»« Oui, oui, je suis si rusé, » répondit le jeune homme furieux. « Quelle bonne petite nuit nous allons passer tous les trois, n'est-ce pas, Silvius ?»« Oh, délicieuse, délicieuse, délicieuse !» s'écria Silvius hors de lui. En ce moment, le bourdonnement d'une guitare se fit entendre dehors et fut aussitôt suivi d'une sérénade dont les premières notes firent bondir Minella. « Grand Dieu, quelle voix !» s'écria la jeune fille en se bouchant les oreilles. « Est-il possible de chanter si faux que cela ?»« C'est peut-être l'effet de la passion, » dit Albina en riant. Minella courut ouvrir la fenêtre, et on aperçut alors la large et rubiconde figure de Miolac, langoureusement penchée sur une guitare, et derrière lui, une dizaine de faces non moins larges et non moins barbues, écoutant avec extase son chant diabolique. « Monsieur Miolac, » dit la jeune fille à l'amoureux sergent, « à moins que vous n'ayez quelque horrible vengeance à exercer contre moi, je vous en supplie, restez-en là. » Le sergent regarda la jeune fille avec une expression de surprise si naïve que celle-ci reprit aussitôt. « Ce n'est pas que votre sérénade ne soit fort jolie et parfaitement chantée, mais la musique me rend malade. » « En ce cas, belle Minella, » répliqua Miolac, en pinçant violemment une corde qui rendit un son déchirant, « Je me fais un devoir de... » Et après avoir vainement cherché la fin de sa phrase, qui venait de s'envoler dans les beaux yeux de Minella, il la salua, fit volte-face avec une roideur et une régularité automatique, et partit suivi de ses 12 hommes. Minella referma la fenêtre. « Enfin, nous en voilà débarrassés, » dit-elle. En se retournant, elle aperçut Albina près de son mari, qui lui parlait tout bas. « Eh bien, » lui disait-il, « as-tu encore peur du roi des zones ?»« Oh, plus du tout, » répondait la jeune femme, en levant vers son mari un regard caressant. « Et toi ?»« Moi, c'est différent. »« Comment ?»« Je commence à redouter son influence, et suis tenté de croire que c'est lui qui m'a joué le mauvais tour de nous envoyer. »« Qui donc ?» demanda vivement Albina, en reculant tout à coup et en jetant à son mari un regard sévère. Celui-ci, qui avait déjà le nom de Minella sur les lèvres, s'arrêta tout court, puis répondit « « Qui, eh bien, mais Miolac ?» Ce nom sembla produire l'effet d'une évocation, car au même instant, on entendit grincer au loin la guitare du sergent, dont les sons se rapprochèrent rapidement. « Ah, mon Dieu !» s'écria Minella. « Serions-nous encore menacés de son affreuse sérénade ?» Elle achevait à peine de parler lorsque deux coups furent frappés à la porte. « Encore eux ?» dit la jeune fille avec dépit. Puis, courant vers la porte, « C'est moi qui me charge de les recevoir, et gare le jonc qui va me tomber sous la main. » Elle ouvrit, puis elle recula tout à coup à l'aspect du personnage qu'elle vit se dresser en face d'elle au lieu du naïf Miolac. C'était un vieillard dont la chevelure et la barbe grise formaient un saisissant contraste, avec deux yeux pleins de feu étincelants sous des sourcils noirs. Ses habits troués, son feutre déformé, la besace qu'il portait sur le dos, le long bâton qu'il tenait à la main, le désignait tout de suite comme un mendiant. Il restait immobile sur le seuil, et son regard pénétrant se porta alternativement sur Silvius, sur Albina et sur Minella, avec une expression si étrange que ceux-ci en éprouvèrent un inexprimable embarras. Silvius voulait mettre fin à une position qui devenait ridicule en se prolongeant et adressant la parole au mendiant. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » lui demanda-t-il d'une voix brève. « Qui je suis ?» répondit gravement le vieillard. « Je suis vieux et pauvre. Ce que je veux, c'est une heure d'hospitalité sous ton toit. » « La vieillesse et le malheur trouveront toujours bon accueil chez nous, » dit Albina en faisant un pas vers le mendiant. Entrez !» Celui-ci entra lentement, jeta sa besace dans un coin, prit une chaise, s'assit près du feu qu'il se mit à tisonner du bout de son bâton. « Silvius !» dit Albina à voix basse. Celui-ci se retourna vers sa jeune femme et s'aperçut qu'elle était pâle et tremblante. « Qu'as-tu donc, ma chère Albina ? » s'écria-t-il avec inquiétude. « Regarde !» lui dit Albina en lui montrant le mendiant. « Est-ce que tu ne le reconnais pas ?»« Comment le reconnaîtrais-je ? Je ne l'ai jamais vu. »« Vois donc !» reprit la jeune femme de plus en plus troublée. « Vois ses cheveux épars, cette longue barbe grise, cet œil noir et brillant, ses haillons, cette besace. C'est lui, te dis-je, c'est lui !»« Lui, qui donc ? Le roi des zones !»« En effet !» murmura Silvius, saisi tout à coup d'un tremblement nerveux. « C'est lui. »« C'est lui, » répéta Minella en se blottissant contre sa sœur. « Oh, plus de doute, » reprit Albina, « il vient accomplir quelque terrible mission. »« Et déjà, peut-être, le malheur est suspendu sur notre tête, » dit Silvius, « car dès qu'il entre, la porte s'ouvrit tout à coup. « Hein, qu'est-ce ? » s'écria Silvius en se retournant brusquement. C'était Miolac. C'est moi, et voilà ce qui m'amène, dit le sergent en montrant un papier qu'il tenait à la main. Qu'est-ce que cela ? Demanda Silvius avec une vague inquiétude. Quelque chose qui vous concerne, répondit Miolac, avec un sourire dans lequel il mit toute la malice que pouvait comporter sa large face. Qui me concerne, moi ? Reprit Silvius de plus en plus troublé. C'est impossible, s'écria Albina. Écoutez, répondit Miolac. Et dépliant le papier, voici ce qu'il lut. Ayant appris que les Russes devaient diriger cette nuit une attaque contre le village de Pic-Neigeux, et usant des pouvoirs qui me sont accordés de recruter en cas d'urgence tel nombre d'individus que je jugerai convenable, mariés ou non mariés, j'enjoins à Silvius de se rendre à minuit précis au poste qui lui sera désigné par le sergent Miolac, pour le colonel, le capitaine Tirza. Albina et Minella éclatèrent en sanglots. « Est-ce possible ? » s'écria Silvius, en proie à une si violente émotion qu'il sentait ses jambes fléchir sous lui. « Voyez-vous-même, » dit Miolac en lui mettant le papier sous les yeux. « Je ne vois plus clair, je suis incapable de lire deux mots, » dit Silvius anéanti. « L'effet de la joie, je connais ça, » dit le perspicace Miolac. Il ajouta d'un ton confidentiel, et en clignant de l'œil, « Vous serez content de moi, je ne vous dis que ça. »« Content, content, pourquoi ?»« Je vous ai choisi un amour de petit poste, au beau milieu du tremblement général. Vous m'en direz des nouvelles si par hasard vous en revenez. »« Ah !» répéta machinalement le pauvre Silvius, « au milieu du tremblement. »« Au beau milieu, c'est là que vous pourrez en cueillir des lauriers. »« Eh bien non !» s'écria tout à coup Albina en frappant du pied. « Non !» Silvius ne sera pas soldat. Faites-vous tuer si vous voulez, c'est votre métier. Mais lui, je ne l'ai pas épousé pour cela, et il n'ira pas à votre petit poste. Ah, dit Miolac, du moment que ça vous contrarie, c'est différent. Oui, ça me contrarie, et il ne sortira pas d'ici. À son aise, il en a le droit. Ah, fit Albina étonnée. Seulement, reprit Miolac, si à minuit précis il n'est pas au poste du Pic-Neigeux, eh bien. « Eh bien, à minuit et demi, il sera fusillé. »« Fusillé ?» murmura Albina d'une voix brisée. « C'est l'ordre du colonel. »« Votre colonel est un barbare !» s'écria Minella. « C'est peut-être beaucoup dire, » répliqua Miolac. « Mais il est certain qu'il n'entend pas les plaisanteries, surtout à l'endroit de la discipline. » Puis, se dirigeant vers la porte, « Allons, c'est entendu, » dit-il à Silvius. « À minuit, je viendrai vous prendre avec vos camarades pour nous rendre tous ensemble au petit poste. À tantôt !» Il s'inclina devant Minella et sortit. « Mon pauvre Silvius !» s'écria alors Albina en se jetant dans les bras de son mari. Puis, se relevant tout à coup et lui montrant du doigt le mendiant qui tisonnait toujours dans les cendres avec son bâton. « Comprends-tu » dit-elle à voix basse. « Oui, oui, le coup vient de lui. Il n'en faut pas douter. » répondit Silvius. « Et nous ne sommes qu'au commencement, » dit Minella. « Dieu sait tous les malheurs qui vont fondre ici à sa suite. »« Comment nous y soustraire ?» demanda Silvius. « Je ne vois qu'un moyen, » dit Minella, « c'est de quitter la maison. »« Tu as raison, dit Albina. Il s'est endormi, reprit Silvius. Profitons de son sommeil pour fuir. Et marchant tous trois sur la pointe des pieds, ils se dirigèrent doucement vers la porte, les regards fixés sur le mendiant, qui était immobile, la tête baissée sur la poitrine. Silvius, qui marchait en avant, venait d'ouvrir la porte avec des précautions infinies, et ils allaient s'élancer dehors tous les trois, quand le vieillard relevant tout à coup la tête. « Eh, quoi, vous me laissez seul? Vous partez tous trois? Est-ce donc ainsi que vous pratiquez l'hospitalité ?» Les trois fugitifs étaient restés pétrifiés. Ce fut Minella qui retrouva la première son sang-froid. « C'est précisément pour pratiquer l'hospitalité que nous vous laissons un instant seul, » répondit-elle avec assurance. « C'est précisément pour cela, » ajouta Silvius, en regardant la jeune fille et cherchant à deviner sa pensée. « Nous n'avons rien ici à vous offrir, » reprit Minella. « Et nous allions vous chercher des vivres chez nos voisins. »« Justement, » dit Silvius, étonné de la présence d'esprit de la jeune fille. « En ce cas, je vous remercie, » dit le vieillard. « Mais il suffit d'être deux pour cela, et l'un de vous restera bien pour me tenir compagnie. »« Oui, sans doute, » dit Albina avec embarras, « mais... »« Mais vous voudrez bien ne pas quitter votre mari. Et au bout de 12 heures de ménage, cela se conçoit, on n'a guère eu le temps de se fatiguer l'un de l'autre. Partez donc tous deux, cette jeune fille restera près de moi, n'est-ce pas ?»« Sans doute, et avec grand plaisir, » répondit Minella. « Nous t'attendrons au bas de la montagne, » dit tout bas Albina à sa sœur. « Esquive-toi dès que tu le pourras. »« C'est bien à quoi je songe, » répondit la jeune fille. « Allons, nous reviendrons tout à l'heure vous apporter des vivres, » dit Albina au mendiant avec le plus gracieux sourire. « Ne vous impatientez pas, nous serons ici avant peu. »« Quand vous voudrez, » répondit le vieillard avec un sourire sinistre. « N'ai-je pas là un otage qui me répond de votre parole ?» Et ajouta-t-il avec un air de galanterie qui le rendait plus effrayant encore, « Cet otage ne m'échappera pas, je vous le jure. Il est trop gracieux pour que je le perde de vue un seul instant. » Albina, qui allait sortir, s'arrêta, atterrée à ses paroles et se rapprochant vivement de sa sœur. « Oh, rassure-toi, » lui dit-elle, « je ne veux plus fuir. Quels que soient les dangers qui nous menacent, je veux les partager avec toi, et nous allons revenir bien vite. » Et elle sortit aussitôt avec Silvius. Restée seule avec le roi des zones, Minella se mit à trembler de tous ses membres et à suivre avec anxiété tous les mouvements du vieillard. Au bout de quelques instants, celui-ci se dirigea de son côté. Elle passa aussitôt du côté opposé et fit mine de ranger quelque chose sur la cheminée. Le mendiant revint à la cheminée. Alors Minella courut vers la fenêtre, dont elle essuya les vitres avec un soin tout particulier. Et le même manège se renouvela 5 ou 6 fois coup sur coup. « Ah ça, belle Minella !» dit enfin le mendiant. « Il sait mon nom. Ah, plus de doute maintenant. C'est bien lui !» murmura la jeune fille d'une voix défaillante. « Belle Minella !» reprit le vieillard. « Je fais une remarque assez peu flatteuse pour mon amour-propre. C'est qu'aussitôt que je m'approche de vous, vous vous éloignez de moi. C'est sans y songer, je vous jure !» répondit vivement Minella. « C'est égal, on dirait que je vous fais peur. » « Je vous assure que non, » dit la jeune fille, pâle de frayeur. « Et moi, je vous assure que vous tremblez. Mais s'il est vrai que je ne vous fasse pas peur, restez donc en place et causons un peu. » Et il fit 2 pas vers elle. Mais la jeune fille s'éloignant brusquement, « Oh non, non, par grâce, ne m'approchez pas. » « Alors dites-moi la cause de la terreur que je vous inspire. » « C'est que je crois que vous êtes, c'est-à-dire, on prétend que... »« Eh bien, que prétend-on ?»« Que vous êtes le roi des zones. » Puis, s'éloignant vivement et regardant le vieillard à la dérobée, « Est-ce vrai ? » murmura-t-elle. « Peut-être, » répondit le mendiant. « Je me sens mourir, » balbutia Minella. « Pourquoi trembler ainsi ? » dit le vieillard en se rapprochant. Si le roi des zones est redoutable aux parjures, il aime les cœurs sincères et protège ceux qui mettent en lui leur confiance. Voulez-vous en faire l'épreuve? Je m'engage à exaucer votre vœu, quel qu'il soit. C'est impossible, dit Minella en secouant doucement la tête. Essayons. C'est un secret que je devine. Vous? Est-ce que je ne sais pas tout? Voyons, quel est le nom de ce jeune homme? S'écria Minella en rougissant. Je ne vous ai pas dit... Non, mais vous m'avez avoué un secret. Or, le secret d'une jeune fille, c'est un jeune homme. Vous dites donc qu'il s'appelle... Steinko, répondit la jeune fille en baissant la voix. Elle reprit d'un ton un peu plus assuré. C'était le fiancé de ma sœur Albina, qu'il devait épouser à son retour de l'armée, mais, hélas, il est mort là-bas en combattant. Ah, dit le mendiant, on a appris qu'il avait été tué. C'est alors que ma sœur s'est décidée à prendre Sylvius pour mari. Et tout le monde a oublié le pauvre Steinko, excepté moi, répliqua vivement Minella. Bien que je ne fusse encore qu'une enfant, lors de son départ, il est toujours resté présent à ma pensée, et c'est lui qui cause que je ne me marie pas. Vous l'aimez ? Non, mais... Eh bien, j'ai là son portrait, qu'il avait laissé à ma sœur en partant. Or, chaque amoureux qui y se présente, je le compare à Steinko. Et si je les ai tous repoussés jusqu'à ce jour, c'est que je les trouve tous affreux auprès de lui. Il faudra pourtant faire un choix. Je veux que mon mari ressemble à Steinko. Voyons, comment le voulez-vous ? Commandez-le, je me charge de le fournir. Minella glissa la main dans la poche de sa robe et en tira un objet qu'elle mit sous les yeux du roi des zones en lui disant « Tenez, voilà mon rêve. C'est le portrait de Steinko, et c'est ainsi que doit être mon mari. » « Ah ! » fit le mendiant. « Ainsi, il faut absolument qu'il ait cette taille élégante, ses yeux noirs et ses éperons d'or. » Poursuivit Minella. « Cette belle chevelure noire, cette fine moustache, cette fière mine, ce gracieux sourire. « Fort bien. J'ai pris note de tout cela. » « Et aucune de ces qualités ne sera omise dans la confection de votre époux, » dit le vieillard. « Passons maintenant au caractère. Comment vous le faut-il ? » Steinko était aimant, bon, empressé, galant. « Savez-vous qu'un pareil modèle rend ma tâche fort difficile ? » dit le mendiant. « Mais il n'importe. Votre mari sera tout cela. »« Et quand le connaîtrai-je ? » demanda vivement Minella. « Vous êtes pressé de le voir. Je suis un peu curieuse. » répondit la jeune fille en rougissant. « Eh bien, » dit le vieillard, après un calcul mental, « je pourrais le fournir avant une heure. » Puis, tirant de sa poche un sifflet qu'il remit à la jeune fille, « Tenez, ce sifflet d'argent porté à vos lèvres, et au premier son qui en sortira, vous verrez paraître votre rêve. » Au moment où Minella recevait le sifflet magique, la porte s'ouvrait et Albina entrait avec Sylvius. « Ma chère Minella, » dit la jeune femme en courant à sa sœur qu'elle pressa tendrement dans ses bras, « je tremblais de te trouver évanouie en fumée. » Puis, montrant le roi des zones avec une expression de terreur, « Eh bien, » murmura-t-elle. « Il est charmant, » répondit Minella avec transport. « Pauvre sœur, » dit Albina à Sylvius, « il l'a déjà fascinée comme les petits-enfants qui l'enlèvent à leur mère. Elle est perdue. » Sylvius bondit tout à coup et se retourna éperdu en sentant la main du mendiant se poser sur son épaule. « Eh bien ?» lui dit celui-ci. « Apportez-vous des vivres ?»« Oui, » répondit Sylvius, « mais si peu. »« Voilà tout, » dit Albina en déposant sur la table un morceau de pain bis et quelques noix. « Vous ne refuserez pas de vous mettre à table avec moi, » dit le vieillard. « Hélas, » répondit Albina. « Il n'est pas besoin de se mettre à quatre pour manger un morceau de pain et une douzaine de noix. »« Aussi suis-je persuadé, seigneur Sylvius, » répliqua le vieillard, « que vous ajouterez quelque chose à ce trop modeste repas. »« Je vous jure que je n'ai rien ici, et pour que vous n'en doutiez pas, je vous supplie de chercher vous-même. »« Je vous prends au mot, car j'avoue que je ne croirai qu'après avoir vu. » Le vieillard alla droit au buffet et l'ouvrit. « Alors ?» Quatre exclamations de surprise se firent entendre à la fois quand on vit, rangé dans ce buffet, un magnifique pâté, un faisan rôti, des pyramides de fruits et de pâtisseries, des vins de France, des liqueurs, etc., le tout gracieusement encadré dans de gigantesques bouquets de fleurs qui s'élevaient à droite et à gauche. « À la bonne heure !» s'écria enfin le mendiant. « Voilà un repas digne d'un chrétien. Je me doutais bien que vos noix n'étaient qu'une plaisanterie. » « Je vous déclare, » s'écria Sylvius, « que je ne comprends rien, absolument rien. »« Oui, oui, vous aimez à rire, maître Sylvius. » Puis, jetant loin les noix et s'adressant aux deux femmes, « Allons, dressons le couvert, puisque vous avez tout ce qu'il faut pour cela. » Albina et sa sœur se hâtèrent d'obéir. « Peste ! » s'écria le vieillard. « Quel service ! De la porcelaine, des cristaux, de l'argenterie ! Ah ça, vous êtes donc un richard, maître Silvius ! Mais je vous affirme... »« C'est bien. Il vous plaît de continuer la comédie, j'y consens. Mais mettons-nous à table et faisons honneur à votre festin. » Silvius eût bien voulu refuser, mais le mendiant lui jeta un regard qui lui en ôta le courage. « C'est pour vous tenir compagnie, » dit-il en s'asseyant entre Minella et sa femme, « car je ne suis pas en appétit. »« Ni moi non plus, » dit Albina, en s'asseyant sur le bord de sa chaise, aussi loin de la table que possible. « Et vous, charmante Minella ?» dit le mendiant à la jeune fille. « Moi ? Je ne me refuse pas à souper, » répondit hardiment celle-ci. Et elle tendit son assiette, sur laquelle le mendiant déposa une tranche de pâté. « Ces mets sont maudits !» lui souffla sa sœur à l'oreille. « Garde-toi d'y toucher !»« Bon !» dit Minella, et elle attaqua résolument le pâté. « Elle me fait frémir !» murmura Silvius épouvanté. « La malheureuse, elle est ensorcelée !» dit Albina à voix basse. Le vieillard s'empara d'une bouteille, dont la forme bizarre et le bouchon argenté inquiétaient Silvius, qui lui trouvait quelque chose de fantastique, et s'adressant à celui-ci, « Si vous ne mangez pas, maître Silvius, » lui dit-il, « vous ne refuserez pas au moins de trinquer avec moi. Tenez un verre de champagne, un vin fort estimé en France. »« Volontiers j'aime les vins de France, » s'écria Silvius, puis se pencha à l'oreille d'Albina. « Je ne veux pas l'irriter, mais je veux bien être pendu si j'y trempe seulement les lèvres. » « Et, » dit le mendiant, tout en dépouillant la bouteille de sa coiffure de métal, au lieu de ces refrains grossiers qu'on a coutume de chanter ici au dessert, je vais vous régaler d'une musique délicate, telle que vos oreilles n'en ont jamais entendue. Que diriez-vous, par exemple, d'un cœur d'esprit ?»« Un cœur d'esprit ?» s'écria Silvius en bondissant sur sa chaise. « Miséricorde !» murmura Albina. « Pourquoi pas ?» dit Minella. « Eh bien ?» demanda le mendiant. « Non, non, je n'y tiens pas. » répondit vivement Silvius. « La musique après dîner, ça ne me réussit pas. »« Et moi, » répliqua le vieillard, « je suis sûr que celle-là vous plaira. Tenez, attention, ce champagne va donner le signal à nos invisibles chanteurs. » Le bouchon, peu à peu ébranlé par le pouce du vieillard, sauta tout à coup avec bruit, et au même instant, tandis que celui-ci remplissait son verre et celui de Silvius, un cœur étrange, suave, vaporeux, aérien, comme une harmonie tombant des harpes des archanges, se fit entendre dans l'espace. Plus ce chant était exquis, plus ses voix étaient pures et légères, plus grande était la terreur de Silvius en les écoutant, car il était évident pour eux que de telles harmonies ne pouvaient venir de la terre. Silvius, surtout, était dominé par une frayeur qui toucha bientôt au délire. Effaré, éperdu, hors de lui, n'ayant plus conscience de ce qu'il faisait, il porta machinalement à ses lèvres le verre de champagne qu'il tenait à la main et en avala peu à peu le contenu. Le vieillard, lui, ne touchait pas au sien et regardait faire Silvius avec un diabolique sourire. Quelques instants après, au moment où les dernières notes du cœur aérien se faisaient entendre, Silvius sent subitement ses paupières alourdies se fermer malgré lui. « C'est étrange, » murmura-t-il. « Un sommeil invincible s'empare de moi. Que signifie... » Son attention fut tout à coup absorbée par un incident insignifiant en apparence et qui bouleversa tous ses sens. L'heure sonnait à l'horloge de bois qui remplissait un des angles de la pièce. Silvius écouta et compta chaque coup avec une profonde anxiété et au douzième, il fit un effort surhumain pour se lever de son siège. Mais il retomba aussitôt vaincu par le sommeil qui paralysait toutes ses facultés avec une effrayante rapidité. « Minuit, minuit !» murmura le malheureux Silvius, en tournant vers sa femme un regard où se lisaient le désespoir et l'angoisse. « C'est l'heure de me rendre au poste !»« Albina, Minella, éveillez-moi, sauvez-moi, chassez ce sommeil qui m'accable !»« Le sommeil en ce moment, vous le savez, c'est la mort !»« Minuit, fusillé, si tout à l'heure !»« Ah, réveillez-moi, réveillez-moi !» Il se débattit quelques instants encore, soutenant une lutte acharnée, terrible contre ce sommeil inexorable, puis, Malgré Albina et sa sœur, qui unissaient leurs forces pour le soulever et le contraindre à marcher, il laissa tomber lourdement sa tête sur la table et demeura sans mouvement. Il dormait. « Grand Dieu, mais il est perdu !» s'écria Albina avec désespoir. Minella réfléchissait en portant alternativement ses yeux de Sylvius au mendiant. Un sommeil si profond, si subit, et dans un tel moment, quand il y va de sa vie, murmura-t-elle, comment expliquer ? C'est lui qui a tout fait, s'écria Albina en désignant le roi des zones, et courant se jeter à ses pieds. Écoutez, lui dit-elle d'une voix suppliante, je sais qui vous êtes, et qui vous voulez venger, mais je suis seul coupable, que votre colère tombe donc sur moi seul, et sauvez Sylvius en dissipant ce sommeil. « Je vous en supplie, sauvez-le, » dit à son tour Minella. « Eh, mon Dieu !» répondit le vieillard, avec un calme railleur qui donnait à sa physionomie une expression imposante. « Je ne demanderai pas mieux que de vous rendre ce petit service, car je comprends tout ce qu'une séparation de cette nature doit avoir de pénible au bout de quelques heures de mariage, mais je le voudrais que je ne le pourrais pas. Vous ne le pourriez pas, vous ? Il est trop tard. » « Trop tard, quoi ? Je ne suis plus maître de son sort. Tenez, entendez-vous ? » C'était un bruit de pas cadencé. « Une ronde de soldats !» s'écria Albina. « Ceux qui viennent chercher Sylvius ? » répliqua le mendiant. Il achevait à peine de parler qu'on voyait entrer Miolac suivi de ses 12 soldats. Tous vinrent se ranger en silence derrière Sylvius, où ils demeurèrent immobiles et sombres comme des fantômes. « Que venez-vous faire ici ?» leur demanda Albina d'une voix tremblante. « Nous venons chercher Sylvius, » répondit Miolac. « Oui, » répondit la jeune femme en essayant de sourire, « pour le conduire à son poste. »« Le poste ?» riposta Miolac. « Oh non, ce n'est plus de ça qu'il s'agit. »« Que lui voulez-vous donc ?» s'écria brusquement Albina. « Il ne le saura que trop tôt, le pauvre diable. »« Mais expliquez-vous, » demanda Minella. « Que veut-on faire à Sylvius ?» « Minuit et demi, » dit Miolac en montrant l'horloge, « je ne vous en dis pas davantage. »« C'est impossible, » dit Albina, « on n'aura pas la barbarie. »« Oh, son compte est clair. Le colonel n'entend pas raillerie sur ce chapitre. »« Il s'éveille, » dit Minella. « En effet, Sylvius agitait en balbutiant des phrases incohérentes, et bientôt il releva la tête et ouvrit les yeux. Il regarda autour de lui. « Miolac ?» « Des soldats ici, chez moi » murmura-t-il. « Que se passe-t-il donc ?»« Mon pauvre Sylvius !» répondit Albina en sanglotant. « Albina, ma chère Albina, pourquoi pleures-tu » demanda Sylvius d'un ton plein de tendresse. « Et vous-même, Minella, vous versez des larmes, et vous me regardez tous d'un air. » Puis, se frappant le front et se levant tout à coup, « Oh, je me rappelle, » dit-il, « le poste. » Il regarda la pendule. Minuit et demi, ces soldats. Je comprends tout. Allons, mon pauvre Sylvius, dit Miolac au jeune homme, faites vos adieux à votre femme. Albina s'élança en pleurant dans les bras de son mari, puis s'en arrachant brusquement et courant à sa sœur. Minella, jetons-nous aux pieds du roi des zones, et peut-être touchés par nos pleurs. Mais où est-il donc ? Ajouta-t-elle en regardant de tous côtés. Le roi des zones avait disparu. Il s'est évanoui, dit Minella. Ah, plus d'espoir maintenant, s'écria la jeune femme accablée. Nous ne pouvons plus attendre, dit Miolac à Sylvius. Ça devrait être déjà fait. Je vous suis, répondit Sylvius, plus pâle que la mort. Quelle idée, murmura tout à coup Minella, ce sifflet qu'il m'a donné tout à l'heure. Et portant le sifflet à ses lèvres, elle en tira un son aigu. Au même instant, la porte s'ouvrit, et un jeune homme parut, entièrement semblable de mise, d'air et de figure au portrait de Steinko. Il fut accueilli par trois cris à la fois. « Steinko !» cria Albina. « Mon rêve !» murmura Minella. « Le colonel ?» dit Miolac. Il y eut un moment de profond silence, pendant lequel la surprise semblait avoir pétrifié tous les témoins de cette scène. « Votre colonel, lui, Steinko ?» s'écria enfin Albina. Lui-même, répondit Miolac. Alors nous sommes sauvés. Il fera grâce à Sylvius. Et dissimulant avec peine l'anxiété qui la dévorait, N'est-ce pas, Steinko ? Dit-elle au jeune homme. Celui-ci lui prit la main, et se penchant tendrement vers elle, « Chère Albina, il est heureux pour Sylvius que vous vous intéressiez à lui, car son sort est entre vos mains. Comment cela ? La faute qu'il a commise est de celles pour lesquelles je suis impitoyable, mais j'ai fait un serment. « Ah ? » dit vivement Albina. « Étant prisonnier des Russes, blessé et dans l'impossibilité de donner de mes nouvelles, j'ai juré, si jamais je revoyais mon pays, d'accorder à ma fiancée la grâce qu'elle me demanderait le jour où je lui mettrais au doigt cet anneau, symbole d'une éternelle union. Prends-le donc, chère Albina, toi que je retrouve fidèle après une absence de 4 années, et la liberté va être rendue à Sylvius. » Albina demeura atterrée à ces paroles. Comment sortir de cette position ? Accepter l'anneau était impossible. De notre côté, avouer la vérité à Steinko, si jaloux, s'était prononcé l'arrêt de mort de Sylvius. Que faire ? Eh bien, dit Steinko, qu'as-tu donc, et que signifie ce trouble ? Steinko, dit Albina d'une voix éteinte. Albina ? Répondit tendrement Steinko. Après un moment d'hésitation, Albina tomba tout à coup à ses pieds et s'emparant de sa main. « Tenez, s'écria-t-elle, maudissez-moi, tuez-moi si vous voulez, mais faites-lui grâce, car je suis sa femme. » Un long silence suivit cette déclaration. Tous les regards étaient tournés vers Steinko et tout le monde attendait avec une véritable terreur le premier mot qui allait sortir de sa bouche. « Vous m'avez entendu, Albina ?» dit-il avec un calme qui causa une profonde surprise. « Je ne puis accorder cette grâce qu'à celle qui recevra cet anneau de ma main et m'acceptera pour mari. Et quel espoir que je trouve ici une femme dans l'espace de 5 minutes ?»« Hélas, il va donc mourir !» s'écria Albina. Minella, qui paraissait si violemment émue depuis un instant, s'avança vers Steinko et la rougeur au front. « Sylvius est si bon !» dit-elle d'une voix émue et en baissant la tête, « que pour le sauver de la mort, vous vous dévoueriez, Minella ?» demanda Steinko à la jeune fille. « Mon Dieu, je crois que oui, » répondit Minella, toute troublant et n'osant plus lever les yeux. « Eh bien, lui dit Steinko, ouvrez cet anneau et lisez. » Minella obéit, et après avoir lu les caractères gravés dans l'intérieur de l'anneau, elle jeta un cri de joie. Est-ce possible ? Dit-elle. Quoi donc ? Demanda Albina. Vois, dit la jeune fille en lui montrant l'anneau, Steinko et Minella. Et regardant Steinko, comment se fait-il ? Je sais la vérité depuis 1 an, répondit celui-ci, toute la vérité, c'est-à-dire l'amour d'Albina pour Sylvius et la sympathie de ma chère Minella pour certains portraits qu'elle porte toujours sur elle et qu'elle montre à tout le monde. « Ah ! » dit Minella, « mais qui a pu vous dire ? » L'un des esprits qui tantôt chantait en chœur pour fêter le retour de Steinko au pays. C'est fort indiscret, ces esprits-là. C'est le même qui, pendant la noce, a tout préparé dans ce buffet. Tout jusqu'au champagne qui a vite endormi ce pauvre Sylvius, qui ne sera fusillé ni par les Russes ni par mes soldats. « Ainsi, s'écria Sylvius, la menace du petit poste, ma condamnation, une innocente vengeance. » « Je respire !» s'écria le jeune homme. « Cependant, » dit Albina, en jetant autour d'elle des regards inquiets, « mais le roi des zones !» Steinko fit reculer ses soldats rangés dans le fond et poussant du pied un paquet de guenilles parmi lesquels on distinguait une besace, un long bâton et une barbe grise. « Le roi des zones, » dit-il, « le voilà. Quant aux esprits, tenez, les entendez-vous » Le cœur aérien se fit entendre de nouveau. « Et maintenant, voulez-vous les voir ?» Il y eut un frisson de terreur. « Ouvrez les portes !» dit Steinko à Miolak. Le sergent obéit. Alors, aux limpides clartés qui tombaient comme de blanches ondées du ciel étoilé, on vit, dispersés sur les flancs de la montagne, 20 groupes de jeunes filles qui chantaient. Albina et Minella reconnurent leurs compagnes. Est-il besoin d'apprendre au lecteur que Steinko a épousé Minella et que les deux ménages sont parfaitement heureux ? Ainsi s'achève « Le roi des zones » de Constant Guéroult.